Allez, voici Guillaume Guy. Horrible. La patate chaude. La totale. Ça va, les amigos? Oui. L'autre jour, j'étais dans ma cuisine, je pensais au suicide. Attends, ça, c'est très beau. Refaites ça. Je me disais, Ernesto, fils d'une moule et d'un bitcoin, vas-y, vise la jugulaire. J'ai essayé 11 fois avec ma spatule à raclette. Et les rageux diront appel à l'aide. Tout ça parce que, soi-disant, je n'ai pas utilisé mon pic à brochette comme Mike Brandt. En attendant, je me serais réussi. Je ne serais pas avec vous ce matin et ce serait bien dommage. Non ? Oui, oui. Je note enthousiasme prudent. Ça aurait été bien dommage parce que je suis un grand fan d'Edouard Baird et je vais le prouver. En son honneur, je vais vous parler de tennis. Et je crois savoir qu'entre Edouard et le tennis, il n'y a pas de lien particulier. Voilà. C'est dommage, ça aurait été cool. S'il avait aimé le tennis, on serait tous... Elle est incroyable, cette transition. Ici, pas. Clairement, la transition, il va falloir faire sans. Donc, je vous disais, c'est fou, cet Open d'Australie, quand même. Que de rebondissements. Préambule, en temps normal, le tennis, c'est pas ma guerre. Moi, je m'en bats les steaks, mais genre à 360 degrés. C'est-à-dire que je m'en bats les steaks, je fais un demi-tour sur moi-même, je fais un tour sur moi-même, je m'en rebats les steaks. J'ouvre un hippopotamus. Vraiment, c'est le pire des sports. T'expliques le tennis aux extraterrestres, t'es obligé de le refaire. Ben, y a un mec qui tape dans une balle, l'autre, il renvoie la balle. Et après? Pareil, pendant 4 heures. Vraiment, c'est le pire, c'est qu'il faudrait pas grand chose au tennis en plus pour que ce soit intéressant. Ça se jouera 11 contre 11 avec un ballon. Mais je sais pas, non, c'est con. Et la France gagne. Mais voilà, c'est la... Donc là, franchement, tu me mets des tickets pour Roland Garros. J'y vais. Et ça tombe mal pour la chute de cette blague. Ça aurait été plus drôle si elle avait été. Mais je suis trop honnête. Et justement, je reviens à l'Open d'Australie. Gaël, mon fils, votre numéro 1, il s'est fait sortir au premier tour. Vous avez vu ça? Et normalement, en tant que Belge, j'entends ça, je fais un feu de voix. J'épouse une cousine. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est la base en Belgique quand un Français perd. Moi, j'ai perdu mon pucelage sur une défaite d'Alain Prost. Vraiment. Nürburgring 93 avec Greta, une Allemande de l'Est. C'est une ex-Daniel en plus que de quand il travaille à la Stasi. Sauf que là, au lieu de me rendre euphorique, eh bien, j'ai eu l'empathie pour Gaël, mon fils. Et vous me connaissez, l'empathie, j'en ai rarement. Enfin, dans Titanic, je suis pour l'iceberg. Vraiment, il y a un truc où moi, Rose, elle aurait dégagé de mon bout de bois, je te lis directement. Mais ce qui s'est passé ici, c'est que mon fils, il a complètement craqué en conférence de presse. Il a avoué qu'il était perdu, qu'il ne savait pas comment s'en sortir. Et il a fondu en larmes. C'était vraiment bouleversant, quoi. Ça m'a fait penser à Nagui, hein, quand il nous avait réunis dans le bureau pour nous dire: vous ne trouvez pas que mes questions sont trop longues? Hein, si, mes questions sont trop longues. Non, mes questions sont trop. Et nous, on a tous répondu: mais non, Nagui, mais non, Nagui. Et on ira en enfer pour ça. On ira en enfer pour cette hypocrisie, vraiment. Parce que Dieu, il écoute France Inter comme tout le monde. Et il se met à la place des invités. Mais c'est rare de voir dans les médias une personnalité publique se mettre à nu et enlever les filtres, en fait. Enlever tous ses filtres. Le seul, en général, c'est Francis Lalanne. Mais Francis Lalanne, t'as envie de lui dire: remets tes filtres, s'il te plaît, le plus vite possible. Tiens, prends mon filtre. Couvre-toi avec mon filtre. Je trouve qu'on devrait avoir plus le droit de craquer, en fait, en médias. C'est vrai, non? Ça me toucherait, moi, que Jean Castex, il fasse à mes chers compatriotes: putain, je vous le dis, c'est vraiment la merdasse. On ne sait plus que faire, on est débordé partout. Allez, salut, je prends une bonne biture. Voilà, j'ai pris un cours d'accent, vous avez vu? 80 balles à séance avec Patrick Bosso. C'est lui qui m'a conseillé le mot biture. Il m'a dit ça allait faire marrer, comme quoi Patrick, il a perdu la vista. Mais c'est vrai que même moi, combien de fois j'ai pas eu envie de craquer, d'avouer que mes chroniques sont pas au niveau, de dire que ça fait 9 fois que je fais la même blague. J'en ai parlé à Daniel, il m'a fait: quoi, que 9 fois? C'est bon. Heureusement, je craquerai jamais. Allez, bonne émission, les amis. Bravo, Guy. Merci, bravo.